Nani, Nane, Duval, Nane Felice. Come on, baby. C'est moi, Daddy Sugar. Lovely, lovely, baby. Piterere, c'est mon wera. Come on, baby. C'est moi, Daddy Sugar. Lovely, lovely, baby. Piterere, c'est mon wera. Tes ennuis, tes soucis, tes faiblesses, tes problèmes. Je connais des problèmes d'ici et là-bas et partout c'est les mêmes. Allez, pentelele, allez, allez, oui, kelele. Allez, pentelele, allez, allez, oui, kelele. Da da da, oui, kelele. Allez, allez, oui, kelele. Pentelele. Hey, I'm sexy, oui, kelele. Tere, tere, tere, mano, oui, kelele.